Voilà, ça va peut-être marcher. Bonjour, monsieur, monsieur Philippe. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Je vois que t'as le sourire. T'es moins net que lorsque t'es chez toi. T'as moins de bande passante, Clisson? Ah ben, je suis un peu plus loin de la box actuellement. D'accord. Et lorsque je, c'est vrai que ici, hein, au niveau Clisson, mais lorsque je suis chez moi, il y a, en fait, on a la fibre en bas et donc ça va beaucoup plus vite. Ici, on est un peu dans une zone dortoir, et donc c'est pas très bien desservi. D'accord, ok. Bon, ben, malgré tout, on va y arriver. C'est quand même desservi. Oui, je t'entends, le principal, voilà. Donc, comment va ta santé? Très bien. Là, actuellement, bon, c'est vrai que je bouge pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Mais on fait quand même des sorties le matin, sorties le soir, pour ne serait-ce que bouger le petit pour qu'il soit fatigué. Ouais. Et qu'il ne passe pas des nuits, pas possible, et nous avec. D'accord. D'accord. Voilà, sachant qu'il y a la nouvelle, la petite, qui elle se réveille toutes les deux heures pour la tétée, quoi. Donc. Ça, c'est normal, ça. C'est normal, voilà. Bon. Par contre, au niveau du son, c'est vrai que ça s'entend, quoi. Voilà, bon, bah, écoute, on va participer, on va participer. Et Sylvie, elle t'a rejoint? Non, Sylvie a prévu de me rejoindre vendredi, normalement, prochain. Ah, c'était, d'accord, je me trompe pas d'une semaine, d'accord, ok. Et par contre, on a du mal, parce que en fait, au fur et à mesure qu'elle réserve des trains, il y a des trains qui sont supprimés, et du coup, bah, ça retarde son départ, et pour l'instant, elle ne sait même pas s'il va pouvoir revenir. Donc, d'accord. C'est un peu difficile. Et elle reviendrait directement à Clisson? Oui, le train va jusqu'à Nantes depuis Strasbourg. Et encore, non, les directs Strasbourg-Nantes ont été tous supprimés, donc il faut qu'elle passe par Paris. D'accord. Et par Paris, en plus de ça, les correspondances ne se font pas bien. Là, elle avait, dans le précédent voyage, elle avait 3 heures d'attente sur Paris. Ah oui. Ce qui fait que ça fait un... Ça fait un voyage de toute la journée, alors que normalement, ça dure maximum 5 heures. Oui, ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, on va croiser les doigts pour que vous vous retrouviez enfin, en bonne santé. En bonne santé. Oui. Sylvie travaille toujours, tu me disais? Oui, elle travaille toujours, mais je pense que plus on avance, plus elle envisage de s'arrêter. D'accord. Elle est en train de voir peut-être s'arrêter déjà pour... pour prêter aide à ses parents, sachant que la mamie est rentrée, donc hospitalisation à domicile, mais beaucoup plus lourde qu'avant. Ouais, ouais. Ce qui inquiète beaucoup et charge beaucoup son mari, qui n'arrive plus à suivre. Donc il faut qu'il y ait, qu'il y ait aide. Des aides. Quoi. Il faut qu'il y ait une aide. Oui, ouais. Mais elle ne va pas pouvoir l'aider ad vitam. Non, bon, y a des aides extérieures. Il y en a une qui est prévue le matin, une l'après-midi. Et puis, les trois enfants vont se succéder. Ils vont essayer de tourner pour pouvoir être à chaque fois là, sachant qu'il peut y avoir un ou deux jours de battement. Entre les deux. D'accord. Bon, ben, c'est pas mal ça comme rythme, mais ça doit quand même être très prenant, parce que tu mets ses cours. Et alors, et ses cours, comment ça se passerait? Si elle est à Paris, comment elle fait pour ses cours? De toute façon, en aide, ça sera du temps plein. Ah, d'accord. Ça sera... Oui, c'est-à-dire qu'elle s'arrête, et puis là, il y a d'une part congé pour aide aux personnes en difficulté, plus indemnité compensatrice, d'accord. Mais qui ne sera pas à la hauteur, qui représente la moitié de... D'accord. Même pas la moitié de son salaire. Ouais. Ça fait un gros sacrifice. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Voilà, bon, ben c'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Et sinon, sa santé, comment ça va à Sylvie? Ah bah Sylvie, ça va, oui. Là, je veux dire qu'on a une santé qui est plus faible à 10% au moins, sachant qu'on est séparés l'un de l'autre. Bon, ça oui, c'est clair. Ça c'est sûr. Il n'y a que 10% qui manque. Oui, il y a plus que ça qui manque, mais on essaye de gérer la difficulté. Voilà. Et pour l'instant, on y arrive. Bon, c'est mais bien. C'est vrai que là, il fallait quand même pouvoir... Ça fait un mois. Ça commence à faire... Ça fait long. Bon, ben, bon courage à tous les deux, chacun dans vos problèmes de gestion familiale. C'est pas facile. Il faut faire bien attention au couple que il n'y ait pas de distorsion qui soit préjudiciable à la bonne vie de couple. C'est ça. Quoi, hein. Bon, quand on est jeune, le risque est plus grand. Oui, oui. Là, pour l'instant... Oui, oui, tu as la sagesse. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse. Alors, ben, parlons de notre futur nouvel arrivant, Rodrigue, qui a envie de nous rejoindre. Oui. Moi, je serais, si tu en es d'accord, c'est pour ça que je suis content de pouvoir échanger avec toi là-dessus, je serais d'avis de l'accueillir, de l'introniser, pour employer un grand mot, dans notre petit groupe, de façon à ce qu'il soit à l'aise, à qu'il comprenne bien comment on fonctionne. C'est assez simple, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais je pense qu'il faut préparer tout ça, quoi. Hein, on ne peut pas mettre dans un jeu de quilles où il risque de perdre pied. Je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment. Mais toi qui le connais, parle-moi de Rodrigue. Je connais peu, finalement. Je l'ai quand même... on l'a croisé, on a discuté avec lui. C'est un cousin, en fait. Hein. D'accord. Lointain, mais c'est un cousin. Donc, il est protestant. Hein. Il a une foi qui est solide, qu'il entretient. Et on s'est rencontrés donc, dans notre propriété au bord du lac Léman. Très bien. À l'occasion d'un stage qu'il faisait, qui était organisé sur la peinture. Donc, Il fait de la peinture. Oui. Ça, c'est bien, d'accord. Et il voulait découvrir, et puis en même temps, c'était de la musique, donc c'était assez chouette. Bon, nous étions venus non pas au stage, mais on était venus pour travailler, pour continuer les travaux dans la maison. Donc, on s'est côtoyés un petit peu en parallèle, mais sans véritablement. Ah, si, je crois que Sylvie s'est mise à la peinture. Voilà. C'est moi qui, en fait, suis resté dans l'électricité et la maçonnerie. D'accord. Bon. Donc, Sylvie sympathise bien avec lui ? Oui, mais en fait, on ne se fréquente pas. On est un peu loin. C'est pour d'accord. Ça. Quel âge a-t-il ? Il doit avoir 4 ans de plus que moi. Donc, là, le problème, c'est qu'en Suisse, il s'arrête plus tard. Ouais. Donc, il bosse toujours. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais il bosse au ralenti. Oui, en ce moment, c'est vraiment très ralenti. Oui, oui, non, mais même leur fin de parcours professionnel est ralenti de facto parce que les banques sont assez riches pour supporter des salariés qui ne sont pas là forcément à temps plein. Quoi. Voilà. Oui, oui. Bon, mais voilà. Mais j'ai connu un banquier suisse comme ça qui était très bien et qui finissait sa carrière comme ça, en étant chez lui, en étant son entreprise, dans sa banque et en continuant à faire de la relation clientèle. C'est Et ça, ils sont très attachés à. Ils étaient très attachés à ça. Bon, ben écoute, je pense que c'est un garçon qui a une bonne matière première, quoi. Il faudrait savoir un petit peu ce qu'il attend. Moi, c'est ça ma curiosité, c'est de savoir ce qu'il attend, parce qu'il faut qu'en regard de ça, on puisse répondre à ses attentes, répondre aux nôtres. On a déjà commencé une petite partie de cette réponse dans nos échanges, et puis le mettre petit à petit au travail dans les sujets que l'on va imaginer tous ensemble. Hein, ça te va ? Oui, oui. Bon, donc, d'après ce que tu dis, on serait plutôt pour l'accueil de Rodrigue la prochaine fois, oui. sans thème. Sans thème de travail, oui, pour échanger. Ouais. Moi, ce qui m'importe, si tu veux, c'est de définir les contours des attentes des uns des autres. Et puis de le mettre à la cool. Parce que nous, si tu veux, on a pas une année d'échange, mais on a une dizaine de mois d'échange, et on a appris à se connaître. C'est ça. Et appris à voir quelles étaient nos sensibilités. Rappelle-toi, au départ, c'était un peu C'était un peu heurté, hein, de temps en temps, entre nous. Et puis, bon, on s'est compris, on est maintenant bien sur le bon, sur le bon rivage. Et ben, je pense que lorsqu'on accueille quelqu'un dans un petit groupe orienté spiritualité, quand tu es dans un groupe de travail, c'est complètement différent, mais orienté spiritualité, tu as besoin de tenir compte d'un certain nombre de paramètres et tu as besoin d'échanges pour mettre la personne en phase avec toi, avec le groupe. Aller vers un petit égrégore, tu vois, ça commence à prendre encore plus son sens. Et de façon à ce qu'ensemble, à trois, dans un premier temps, après on pourrait être un petit peu plus nombreux, on puisse bien échanger et que tout le monde soit très à l'aise et qu'on conserve bien toujours entre nous notre schéma de bienveillance. Voilà, moi je pense que... Hein ? Est-ce que tu as des choses à dire, toi, dans ce domaine ? Comment tu sens, toi ? Comment je sens je le sens. Tu le sens. Je le sens. D'accord. Je le sens. De là à trouver des mots là-dessus, moi, je sens qu'il est en phase, même sans avoir quasiment parlé avec nous. Et donc, on va très vite s'en apercevoir qu'il a des choses à dire, il a des choses à entendre, il a des choses à partager. Je pense que c'est le moment. En fait, pour lui, c'est le moment. Je sens pour Sylvie le moment qui arrivera, mais qui n'est pas encore là. D'accord. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres là-dessus, sachant que je n'ai parlé de ce groupe qu'à lui et à Sylvie. D'accord. Bon, écoute, de toute façon, notre affaire, c'est de bien grandir ensemble en ayant une bonne maîtrise de nos ouvrages. Et ça peut se faire que pas à pas, step by step, comme disent les Anglais. Hein ? Bon, alors, est-ce que tu as eu le temps de travailler sur notre redoutable orientation pour le jardin merveilleux ? Oui, c'est pas redoutable, mais c'est vrai que j'ai pris deux moments de 2 heures pour pouvoir bien réfléchir, méditer là-dessus. Et ça me semble pas assez déjà. Donc il va falloir aller plus loin. Bon, on pourra éventuellement revenir sur le sujet plus tard. On verra. Hein. Alors je reviens. Déjà, je voulais faire une petite remarque. Roderick, ça s'écrit R-O-D-E-R-I-K. C'est parce que tu as chanté la dernière fois le E. Voilà. Ah, attends. C'est Roderick. Roderick. Ah, d'accord. Roderick. Ouais, je l'ai fait à la française. Spoonsy, quoi. voilà. Où est-ce que c'est marqué, ça? Bah, ça doit être dans les jardins. Bah, en fait, dans son... Dans son mail, ouais. Dans son mail, oui, tout simplement. On va trouver son adresse. Bon, t'as complètement raison de me le dire. Faut que je fasse... Comme ça, tu éviteras l'erreur la prochaine fois. Comme ça, c'est... Je pense que lui, il est tout à fait en position de pardonner ce genre de choses. Hein. Oui. Non, mais il faut mieux ne pas heurter au départ. Et tout à fait. On va faire attention à ça. C'est R-O-D-E-R-I-K. C'est ça. R-O-D-E. On est tenté de mettre un CK, mais non, CK. Tout simplement. Non. Erika, d'accord. Casse. Okay. Et Maïké, donc sa femme, c'est 2A, M-A-A, avec le I et tréma, Maïké. D'accord. Tu la connais, sa femme ? Je l'ai connue, puisqu'elle faisait partie aussi du stage peinture-musique. Voilà, c'est bien, ce sont des gens qui sont très chouettes, qui sont très, très agréables, voilà. Très calmants. Ah ben ça, c'est bien. Ça, et c'est une des vertus qu'a notre petit groupe, c'est de nous calmer. Moi, en tout cas, ça me calme. Et ça me fait beaucoup de bien de sortir un peu de tout ce bouillonnement du quotidien qui nous plombe un peu et qui nous empêche de bien voir les choses. Mmh. Bon, eh ben écoute, mon ami, on va y aller si t'es prêt. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement peut-être réfléchir sur la date à proposer ? Comme ça, ça permettra de lui donner le temps. Ah, mais complètement, ça fait partie des choses que je veux voir au terme de nos travaux, de bien réfléchir à une date. On sait qu'il a des contraintes le mardi, c'est ça que j'ai vu? Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Le mardi et le vendredi. Voilà, bon. Ben, il nous reste le mercredi, le jeudi et le lundi. Le mercredi, c'est toi. Et le mercredi, c'est moi qui suis un peu coincé. Ouais. Mais on va trouver. Voilà, bon. Alors, concernons notre thème, orientation. Alors, on était parti sur... Déjà, notre thème, on est bien d'accord que c'est le numéro 5, notre travail c'est numéro ça. 5, c'est ça? Non, parce que j'étais un peu perdu, et je me posais la question de savoir où je m'étais trompé. Donc, j'ai été faire un tour sur le podcast... Parce que comme je mets tous nos enregistrements ensemble sur le podcast, ça te va le podcast, la présentation comme ça? Parce que quand tu l'as regardé ou écouté, tout du moins, ça t'a pas gêné, tout était facile d'accès? Non, on n'est pas dans les podcasts tout professionnels, tirés aux épingles, avec « Bonjour, monsieur Claude Black-Bélair, je rappelle qui vous êtes », tout le... ce qu'il y a dans ces podcasts bien... Non, mais je parlais du modus vivendi, de l'enregistrement, de l'accès à l'enregistrement, etc. Ça va? Ça va, oui. Mais on essaiera de faire une jolie photo, parce que... le podcast, il a des photos. Et tu vois, je vais sur l'arbre de vie, par exemple. Pour l'instant, j'ai un dessin créé avec PodCloud. D'accord. Tu vois, donc, c'est pour ça que je te demandais des photos, mais peut-être qu'on peut prendre un thème un peu plus neutre. Je ne sais pas. Réfléchis à ça. C'est bon, on va réfléchir à ça, oui. D'accord. Voilà. Bon, alors, excuse-moi, je t'ai coupé et je te rends la parole pour savoir quelle orientation nous allons donner à notre jardin merveilleux. Alors, déjà, en fait, il y avait deux façons de poser la question. Allez, pourquoi c'est... J'ai un texte qui, en fait, est doublé sur le même truc. Là. Il doit y avoir un bug quelque part, je ne sais pas. Bon. Attends, je vais essayer de faire apparaître les... Voilà, ça va déjà mieux. C'était quelle orientation pour le jardin merveilleux, ou le jardin merveilleux doit-il être orienté? C'est un peu plus vaste, le deuxième. Puisqu'on a déjà choisi pour le premier, alors que dans le deuxième, on n'a pas choisi. Il y a plusieurs façons de comprendre l'orientation, et notamment selon le domaine abordé. Géographique, symbolique, spirituel, politique. Puis j'avais même mis dans le sujet de la prochaine fois, enfin c'était pourquoi Orient, orientation et non. Alors, comme si l'occidentation n'était pas... de toute façon, ça n'a pas de sens, c'est un terme qui n'existe pas. Alors, occidentalisation, ça a été un terme. Mais occidentation, il y a oxy, c'est pas terrible. Ou ça peut faire accidentation, c'est pas terrible. Alors, peut-être que c'est mieux orientation, c'est sûr. Bon, en tout cas, on est toujours tourné vers l'Orient, quoi. C'est ça qui est assez étonnant. Bon. Et là, bon, j'ai cherché un petit peu sur l'orientation des temples, je pense que tu as dû le faire aussi de ton côté. Qu'est-ce que ça donne dans le christianisme, dans l'islam, dans différentes civilisations? Il y a un bouquin qui a été édité il y a quelques dizaines d'années sur justement l'orientation des temples. Bon, il commence à être un peu vieux, mais je pense que comme les temples n'ont pas changé, il ne devait pas être si faux que ça. Et de façon générale, un peu comme un summary qu'il y a avant une thèse, j'en arrive à dire que l'important, et c'est ce que j'ai retrouvé dans la position de la civilisation romaine, l'important c'était la position de celui qui vient dans le temple, qui vient au contact de son dieu, en gros c'est ça, et que ce n'était pas tellement le temple qui était important, ou l'orientation du temple, mais la position de celui qui. position que l'on retrouve aussi dans l'islam, puisque en fait, pour la prière, les gens se tournent vers. Donc, ils peuvent être n'importe où, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils se tournent vers la Mecque. Voilà. Dans le christianisme, en fait, il y a de grandes variations en fonction des temps. Et finalement, maintenant, autant ça avait de la signification dans le passé, avec le soleil qui se lève à l'est, et donc symbole du Christ ressuscité. Donc les églises étaient de préférence tournées vers l'est, mais après ça, on s'est aperçu qu'en fonction des contraintes de terrain, ce n'était pas possible. Donc c'est parti un peu partout, un peu à volo dans tous les sens. Et pour l'instant, la majorité des églises sont orientées vers le soleil, ce qu'on appelle le chevet vers l'est. Mais le chevet peut se situer dans différentes positions dans l'église. Donc, en fait, l'église peut se tourner dans différentes façons. Et les protestants, ont bien saisi la chose en disant « on se met à un endroit ». Et de toute façon, les protestants disent « vous êtes ». Le temple du Seigneur, donc la partie pierre n'est pas importante. Comme d'ailleurs la partie statuaire n'est pas importante et peut-être à éviter. Pour éviter qu'en fait on s'accroche toujours sur des détails matériels. Voilà. Bon, je ne suis pas allé très loin. Moi, j'ai vu la question du christianisme, de l'islam, de la civilisation grecque. Avec des temples orientés nord-sud, avec une entrée à l'est, une entrée à l'ouest. Bon. Toujours avec l'entrée comme l'entrée du soleil et la sortie à l'ouest. Ce que les Romains ont fait exactement le contraire, puisque en fait ils se sont plutôt orientés vers le couchant. C'était une position de l'architecte Vitruve qui a beaucoup construit de temples pour les Romains. In fine, il y a toujours une raison pour asseoir l'orientation d'un temple, et la principale, c'est la course du soleil. Voilà. On retrouve toujours ça. On trouve ça aussi chez les Égyptiens, en fait. Le soleil a quand même une part importante. Concernant le terrain Saint-Goustan, je me suis... j'ai revu la position du terrain par rapport au nord. Il est orienté vers le nord, quasiment vers le nord, si on considère nord magnétique ou nord avec la déclinaison nord géographique, nord magnétique, nord cartésien. En fait, il y a trois nords possibles. On regarde vers le nord. C'est un terrain qui regarde vers le nord. Par contre, si on se met face à l'eau, considérant les perpendiculaires aux limites nord et sud du terrain, l'orientation globale est celle définie par le quai 9, nord-nord-est. L'orientation dans le détail est définie par la rue 9, une partie nord-ouest et une partie nord-est. C'est-à-dire que, autant en bas, on est quasiment sur une droite, autant en haut, on est dans une forme courbe convexe vers le nord. Donc il y a une partie qui regarde vers l'est, et une partie qui regarde vers l'ouest. Ce qui rend, en fait, comme je le disais il y a déjà plusieurs fois, les deux parties peuvent recevoir des choses complètement indépendantes, l'une de l'autre, avec en plus une grotte, on pourrait dire fossé, entre les deux. C'est assez marrant. On peut l'interpréter aussi comme fossé, entre l'est et l'ouest. Ou alors le trou permettant de récupérer, d'assembler l'Est et l'Ouest. L'occasion ou jamais de faire quelque chose qui assemble l'Est et l'Ouest. Je vais un peu plus loin. Voilà. Si on prend la ligne médiane, c'est-à-dire l'équidistance entre le quai 9 et la rue 9, elle est de forme convexe, avec la convexité tourné quasiment vers le nord, pour ne pas rentrer dans les fameux détails de nord magnétique, géographique et cartésien. Du coup, j'ai rebondi sur l'état d'avancement de la réflexion, sur le chemin. On l'avait dit, entrée située au nord-ouest, au coin nord-ouest du terrain, c'est-à-dire de votre côté. ça regarde un peu votre bâtiment. Le pèlerin qui va monter, il monte vers le sud-est. Et donc, il monte vers la Mecque, Jérusalem, où en fait, toujours cette direction principale à laquelle beaucoup de religions sont attachées. Donc tous peuvent y trouver leur compte, à partir dans ce sens-là. Et on monte. Donc on est dans une bonne direction de pèlerinage, en gros. On rejoint donc l'orientation choisie par les Romains, qui prennent en compte la position du pèlerin, et non celle du temple. Le chemin d'élévation pourrait, si on le fait par étapes, sur une demi-journée ou une journée, suivre la courbe du soleil, la course du soleil. Alors j'ai commencé à imaginer. Demi-journée, entrée porte basse nord-ouest, cheminement sud-est et sortie par la porte haute existante, en l'état actuel. Si c'est la journée, en fait, entrée par la porte basse nord-ouest, cheminement sud-est, et ensuite sud, et ensuite sud-ouest, pour aller, en fait, vers l'endroit de la cabane, sud-ouest, zone où se couche le soleil, et éventuellement rester pour méditer, passer la nuit ou la journée suivante à regarder vers le nord la course du soleil, en fait, éclairée par le soleil qui est derrière. Et là-dedans, ce moment me paraît important, il me fait pour moi référence à un passage de la Bible, Moïse demandant à Dieu « Fais-moi voir ta gloire » et Dieu répondant « Tu ne peux voir ma gloire et mourir, donc je me montrerai de dos. » Et donc, en fait, on ne peut pas regarder en gros le soleil. De toute façon, on sait très bien qu'en regardant le soleil, on devient aveugle directement. Donc c'est le soleil qui éclaire, on sait qu'on l'a dans le dos, et on voit son effet, en fait, devant les yeux. L'avantage de ce mouvement, c'est que, à l'avoir vécu sur place, le site est complètement protégé des regards touristiques. À l'endroit de la cabane, en fait, les gens sont au-dessus, ne nous voient pas. Les gens qui sont en bas ne nous voient pas. Par contre, on voit l'eau passer, on voit en fait la végétation, l'autre rive, tout ce qui se passe en face. Voilà où j'en suis actuellement. Bon, alors, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu vas voir qu'on se recoupe de différentes façons, qu'on s'entrelace spirituellement dans cette orientation, dans cet orient. Nous sommes, nous, des gens du culte solaire. Toutes nos religions sont solaires, avant tout. Alors, on veut parler de l'Orient, effectivement, tu voulais nous tourner ça de certaines façons. Moi, je vais l'aborder peut-être un petit peu différemment, tu vas voir. Alors, de quel Orient parlions-nous ? Allô ? Ouais. Ça va ? Mais oui, je bouge un peu, parce que c'est vrai que... Voilà, je m'étais un peu affaissé dans la chaise. De quel Orient parlons-nous ? L'Orient, bien sûr, est un point cardinal correspondant à l'Est. L'Orient désigne les espaces situés à l'Est de l'Europe. Pour nous, Européens. Orienté, du latin oriens, antis, signifie diriger un édifice vers une direction importante au point de vue cosmique et religieux. Et on va revenir sur ces deux termes. Le plus souvent, ce sera en direction du soleil levant. Par contre, à l'opposé, le terme occident vient du latin occido, se coucher. Et effectivement, le soleil se couche à l'occident. L'orientation joue un rôle considérable dans la Bible. Le tabernacle du temple de Jérusalem était tourné vers l'est, face au levant. Le soleil levant, c'est ce soleil qui nous apparaît, mais qui fait pas mal aux yeux par rapport à celui que tu évoquais tout à l'heure. C'est un soleil doux, tranquille. Et le temple de Jérusalem était orienté, tout comme son tabernacle, à l'est. C'est pourquoi, plus tard, les premières églises et les premiers temples s'inspireront de cette orientation. C'est donc vers l'est, vers la lumière qu'il nous faut aller. L'Orient dans la Bible et dans le Coran révèle un sens qui dépasse celle du point cardinal. Il nous faut marcher vers l'Orient. C'est marcher vers la sagesse, c'est-à-dire marcher vers Dieu. Ce peut être aussi, en marchant vers l'Orient, se convertir, choisir une voie étroite, se tourner vers l'Est pour prier revient à se tourner vers le soleil levant, la source de toute lumière. Car l'attente du soleil levant, aussi symbole du Christ ressuscité, mais ça tu l'as évoqué tout à l'heure, est un trait essentiel de la prière et de la spiritualité chrétienne. Mais on va complexifier un petit peu les choses. Mais nous serions incomplets si nous omettions de parler du zénith et du nadir. Le zénith est le point imaginaire le plus élevé qui surplombe l'observateur à la verticale. Le zénith donne donc la direction verticale ascendante. Le nadir est aussi un point imaginaire situé le plus bas sous l'observateur à la verticale. Le nadir pointe donc dans la direction verticale descendante. Zénith et nadir représentent deux points, en apparence opposés, mais qui forment une seule et même verticale. Et le débir dans tout ça? Alors le débir, quant à lui, il évoque ce point de rencontre décisif entre le zénith et le nadir. Le débir correspond au Saint des Saints du Temple de Jérusalem, du Temple de Salomon. Le débir est le lieu le plus saint, celui qui abrite l'Arche d'Alliance dans les traditions hébraïques. Il peut être considéré comme le centre, comme la source. Tout comme le Naos des temples égyptiens, le débir est le lieu qui matérialise la présence de Dieu parmi son peuple. Il symbolise donc l'alliance que Dieu fit avec les hommes. La première alliance, car il me semble qu'il y en a eu plusieurs. Et c'est bien là que l'homme et notre jardin doivent se retrouver, à l'intersection de ces quatre axes. Est-Ouest, Nadir et Zénith. Moi, je ne parle pas du Nord et je ne parle pas du Sud. Pourquoi j'en parle pas? Parce que, pour moi, l'orientation du jardin, l'orientation naturelle du jardin, qui est tout en longueur, c'est une orientation, grosso modo, Est-Ouest. Toi, tu la vois dans le Nord, voire dans le Sud. Et moi, je la vois essentiellement est-ouest. Et je reviens donc à notre débir. Et c'est bien là, au débir, que l'homme et notre jardin doivent se retrouver, à l'intersection de ces fameux quatre axes de dimension terrestre et cosmique. Il ne faut pas l'oublier, ce cosmos. Alors, plus prosaïquement, en respectant Mère Nature, orientons notre jardin en respectant la course du soleil et la course des étoiles. Et notre terrain s'y prête bien. La dimension du merveilleux se trouve bien là, à l'intersection de ces quatre axes. Notre chemin est bien celui de la rectitude, le chemin de la droiture et de l'esprit. Ce chemin, c'est nous. Ce jardin, c'est nous. Orientons-nous donc dans la rectitude pour rendre ce jardin merveilleux. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Eh bien, c'est bien. C'est super complémentaire. Bien sûr, c'est pour ça que je te parlais d'entrelac. Oui, oui. Tout à fait. Moi, en fait, je me suis posé la question, bon, Est-Ouest, c'était quelque chose qui, en fait, me sautait aux yeux. Bon, c'est vrai qu'en cherchant un peu, peut-être que je serais tombé sur ces questions de Zénith, de Nadir, de Débir, parce que j'ai lu des textes là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai eu peu de temps pour pouvoir me fonder là-dessus. Et par contre, je sentais que tu allais nous parler de ça. Ah, ben tu vois. Avec ton passé, j'allais dire franc-maçon, voilà. Oui. Que sans doute on avait dû beaucoup en parler de ça, de ce genre de choses. Non, on en a pas parlé beaucoup. Plus des recherches historiques sur les Égyptiens, il y avait aussi des points de rencontre dans ce domaine-là. Donc, j'ai orienté en fait sur autre chose. Dit bon, alors je me mets dans la place du pèlerin. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que je vais? Déjà, le fait d'arriver à la porte, que la porte soit pas en haut mais en bas, pour qu'il y ait une élévation. Alors en fait, là tu m'as parlé du, bah c'est ça, hein, le jardin qui est est-ouest. Et maintenant c'est la dimension verticale, zénith et nadir. Qui sont à prendre en considération pour notre jardin. Donc ça te fait un axe en croix, tu me vois ça. Là. Ça te fait un axe en croix, et l'homme et le jardin se situent à l'intersection. Et cette intersection, je l'ai baptisée Débir, mais bon, c'est ma formulation à moi, hein, sachant que on est dans le Saint des Saints, dans le cœur du temple, et ce Débir correspond bien pour moi dans toutes les civilisations, dans toutes les grandes civilisations, que ce soit celle du livre, ou que ce soit les Grecs, ou les Égyptiens, ou les Romains, c'est là que ça se passe, quoi. Et c'est là qu'il faut être. C'est ça qu'il nous faut construire. Il faut construire ce Saint des Saints. Mais oui. Je te sens sceptique. Non, c'est pas sceptique, c'est que... Il y a un peu de boulot. Voilà. Il y a un peu de travail. Mais en fait, il y a un peu de travail, mais j'allais dire, je m'inquiète pas, parce que dans cette démarche-là, je me sens précédé, en fait. Il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a quelque chose qui nous attend, là, et qui va nous montrer le chemin. Et quand je dis « je me sens précédé », j'allais presque dire « je nous ». Je nous sens précédé. Et que donc... Et donc, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Là-dessus, par contre, il faudra faire les pas. C'est à nous, quand même, de marcher, là-dedans, avec le discernement, en fait, dont on a absolument besoin. Parce que autant l'Est et l'Ouest, tout le monde comprendra, autant le Zénith et le Nadir, il y a le Nord et le Sud. Ben oui, mais il y a une dimension verticale qu'on a complètement oubliée dans notre civilisation. Eh ben, faisons-la ressortir là, à cet endroit-là. D'autant plus qu'elle existe déjà, puisque c'est un terrain en pente. Tout à fait, tout s'y prête. Tout s'y prête. Et toi qui es très sensible à l'élévation, voilà une piste à explorer. Mais Je pense, pour moi, si tu veux, là, les conclusions auxquelles je suis arrivé, avant le début de ce travail, je n'y avais pas du tout pensé comme ça. Moi aussi, j'étais resté sur une orientation est-ouest, ou ouest-est plutôt. Et je pense que les différents niveaux de notre jardin, eh bien, nous amènent à rencontrer le nadir et le zénith. Hein. Et puis c'est intéressant de parler de ça parce que tu apportes cette dimension en élévation, tu apportes ce changement dans l'espace pour passer du plan à la verticale, tu apportes cette impérieuse nécessité que l'homme a d'épouser la nature dans laquelle il se trouve, de façon à ce qu'il lui aussi se verticalise et qu'il rentre dans un schéma de rectitude. Ça pourra faire l'objet d'un autre travail. Oui, ça c'est chaud. La rectitude, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on pourra en parler, parce que je pense que c'est, oui. Là il y a des choses qui sont très intéressantes. Et maintenant, et je reviens à Roderick. Oui. Tu lui as envoyé le podcast, le lien vers le podcast? Il n'était pas en copie lorsque tu m'as répondu. Il me semble que tu as mis, il me semble dans une. C'est moi dans qui un l'ai des mis. Envois que tu as fait. C'est toi qui l'as mis. D'accord, si c'est moi qui l'ai mis, bon, ça va. Non, ce qui est important, si tu veux, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que tout nouvel arrivant dans notre petit cercle, il faut qu'il soit à la cool. Il faut qu'il ait, qu'il se soit imprégné de nos discussions préalables. Et je pense que ces simples travaux-là peuvent définir notre mode de fonctionnement et notre niveau de réflexion. Voilà, je pense que... C'est parce que j'ai vu ton mail avec le podcast que je me suis demandé, bon, alors est-ce que je lui envoie le texte aussi? Et j'ai hésité, et bon, moi, je me retrouve là, et je n'ai toujours pas envoyé, ni à toi d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il faut que je relise, que je prenne le temps de relire. Pour le mettre bien en page, pour que ce soit un petit peu cohérent, et quand tu l'auras relu... Eh ben, on pourra échanger là-dessus. Oui, voilà. Donc ça, c'était mon petit aparté vis-à-vis de Roderick. Je pense que ce sera intéressant qu'il en ait connaissance. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai envoyé. Je pense que c'est en recevant ça. Il s'est dit que je le crois tout à fait capable de dire c'est un peu tôt pour mardi et qu'il aura le temps ainsi d'aller justement s'imprégner un peu de ce qui a été fait. Pour ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe ou bien comme un espèce de touriste qui essaye de découvrir ce qui se passe. Complètement. Ben, si c'est ça, c'est très bien. Il faut lui laisser le temps parce que... ce temps lui appartient et à nous de lui faciliter la vie, quoi. Hein? Tout à fait. Voilà. Bon, alors, l'Orient est donc, à mon sens, très intéressant. On voit qu'on a une juxtaposition parfaite entre notre jardin, nous, humains, et la direction que l'on va, hein, notre jardin étant quand même un support vers le merveilleux. Quoi, hein, ça sera peut-être un travail à faire, le merveilleux. Voilà. Mais bon, c'est des suggestions que... Je pense qu'il faut être un peu plus nombreux. Parce que ça n'a pas du tout... Un peu plus nombreux, il y a au moins Roderick qui doit rentrer en ligne de compte, peut-être même Sylvie. On va voir, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas le merveilleux. En tout cas, je le vois très bien, rien qu'en parlant du jardin merveilleux à d'autres amis, eux, ils sont complètement à côté de ça. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, les autres? Ben, eux, ils en sont dans ce qui est largement proposé dans notre société. Il n'y a pas de grand bonheur, il n'y a que des petits bonheurs. Collectons les petits bonheurs, et puis ça devrait suffire. En gros, c'est ça. Et pour moi, ce genre de choses, ce n'est pas du tout merveilleux. Collecter les petits bonheurs, on peut se les inventer, en fait, ces bonheurs, et ils peuvent être facilement manipulables et manipulés. Un peu de la façon qu'on voit certaines publicités, la voiture dont vous avez toujours rêvé, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est super manipulé, ce genre de choses. Alors que lorsqu'on regarde, bah justement, tu parlais de Zénith et de Nadir, au niveau vertical, on est largement ailleurs, on est largement au-dessus de ça. Et bah j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas du tout décollé là-dessus. Sur les 8, 9, 10 amis qu'on fréquente assez régulièrement, Sylvie et moi, en fait, il y en a deux. Il y en a deux qui pourraient éventuellement mordre là-dessus. Mais qui pourraient, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décollé. Et en fait, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que les deux amis qui pourraient décoller, ce sont ceux qui, en fait, sont qui ont le plus souffert, c'est-à-dire qui savent qu'ils sont en rémission. Voilà. Les autres... C'est-à-dire en rémission de... En rémission, c'est qu'il y en a un, en fait... Les deux savent qu'il y a une épée de Damoclès mortelle qui leur pend au-dessus de la tête. Quoi. Il y en a un, c'est une malformation cardiaque qu'il a apprise récemment, qu'il ne savait pas avant, et que du coup, maintenant, on a senti que sa joie de vivre avait bien pris un coup. Et puis, il y en a un autre qui est un peu sur le même chemin que ma belle-mère, c'est-à-dire que c'est la médecine intervient, fait quelque chose, et puis il y a un autre truc qui casse à un autre endroit, puis on réintervient, puis ça, voilà. Ce sont des suites à ne plus finir qui rendent la vie impossible. Ouais. Donc, rien qu'avec ça, en fait, ce sont des gens qui commencent à réfléchir. Faut-il en arriver là pour commencer à réfléchir? C'est ça qui est fantastique. Je pense que... Cette réflexion que tu évoques, que moi je pense que j'appellerais changement d'état de conscience, toujours sur l'axe Nadir-Zénith, quoi, hein, on va du bas vers le haut, et que ces changements d'état de conscience, il faut qu'ils soient provoqués dans un cadre bien compris, si tu veux, et qu'ils soient bien entendus et que tout le monde soit d'accord pour aller dans le même sens. Parce que si tu es soumis à des impedimenta médicaux, voire de santé pour être plus large, eh bien tu vas réduire tout ça. Le chemin qui est déjà étroit, là va devenir quasi insupportable. Quoi, parce que, oui. Et c'est là où il faut faire attention. Pour préparer les esprits. C'est ça. Et tu peux pas offrir ça à tout le monde s'il n'a pas eu sa préparation, quoi. Cette petite initiation qui va lui permettre de changer d'état, de passer de son quotidien à un cheminement culturel pour arriver à un cheminement spirituel, quoi. Donc, c'est tous ces changements d'état qui sont importants à franchir, et étape par étape, marche par marche. Rappelle-toi de ce que je te disais quand on était au tout début de nos discussions, je te disais, attention Philippe, tu vas trop vite. Et il faut toujours faire attention à ne pas aller trop vite. Et surtout quand tu as un groupe qui va s'élargir, il faut que le plus faible maillon de ce groupe, eh bien, soit lui aussi dans la boucle de la réflexion et de l'entendement de chacun. On ne peut pas le laisser sur le bord de la route. C'est pas une école, en fait. Au sens actuel du terme, où en fait, tu as des bons et des mauvais élèves, tout le monde doit suivre. en fait. Ah oui, mais les cheminements de l'école, si tu veux, alors, puisque tu en parles, moi, je pense que un prof d'école, un professeur des écoles, eh bien, se doit de tenir compte de tous les élèves qu'il a en face de lui, en prenant en compte le meilleur à ses yeux, je dis bien à ses yeux, parce que ça aussi, on peut discuter, comme le plus faible à ses yeux. Et il faut faire en sorte que ces extrémités se rejoignent. Et ça, on n'en a pas encore parlé, mais ça peut être la suite de notre film. Hein, on sait très bien que toutes les lignes à l'infini se rejoignent. Mmh. Et le nadir et le zénith, comme l'est et l'ouest, tout ça, ça se rejoint. Où est-ce que ça se rejoint? Comment ça se rejoint? Comment ça marche? À part les réflexions de nos mathématiciens. Comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand ça se rejoint? Eh oui. Ça, c'est une. Je pense que c'est une réflexion qui sera menée avec Sylvie. Elle a plein de trucs là-dessus. Ça va aussi la motiver, mais ça va aussi la charger, parce qu'elle est de nature inquiète, comme sa mère d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'à se poser des questions, des fois, il faut s'attendre à un moment à ne pas avoir de réponse aujourd'hui, pour laisser la place à demain, tout simplement. Donc c'est le temps, et c'est vrai que lorsque tu bosses, tu n'as pas forcément ce temps-là. On ne te le donne pas forcément. En ce moment, d'ailleurs, c'est extrêmement difficile parce que, en fait, à accueillir seulement la moitié des élèves, on demande de prendre en télé, machin, éducation, l'autre moitié en même temps. Donc, ça veut dire que tu fais les heures que tu dois à l'école et tu fais la même chose, mais chez toi. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Ouais. Donc, c'est dur. En ce moment, c'est dur. Mais il y a beaucoup de gens. Je dirais que quand tu parles de changement d'état de conscience, je pense qu'il y a beaucoup de changements d'état en ce moment. Je suis tombé sur un site, un gars qui s'appelle Maya, Damien Maya. Tout hasard, complètement au hasard, je suis tombé sur son site qui parle du film Avatar comme présentation d'un monde meilleur, plus juste, enfin voilà. Et donc il fait ça, il en fait la critique aussi, en même temps que celle de notre monde. Bon, il fait des adeptes, mais je dirais avec les moyens d'aujourd'hui, il fait ce que d'autres ont fait il y a déjà un siècle, deux siècles, trois siècles. Il y a toujours eu des sages pour dire, pour parler. Reste à savoir s'ils ont changé les choses, quoi. C'est-à-dire il y a toujours des grands parleurs. Est-ce qu'au niveau de l'action, et c'est un peu ça qui m'aiguillonne, c'est que nous avons un terrain, et ça c'est super. Là, il doit y avoir de l'action. C'est incontournable, ça doit se voir. Alors, oui, mais ça faut le construire, faut la construire, oui. Cette action. Quand tu disais tout à l'heure qu'on est environné de beaux parleurs, qui, si on regarde bien leur parcours, eh ben, n'ont pas apporté grand-chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont fait... Il y a des super parcours, il y a des textes et des écrits, des gens qui ont parlé, qu'on cite d'ailleurs dans les cours de philo. C'est parce que c'est ça, hein, la dissertation de philo, c'est de savoir piquer les idées à droite et à gauche, les assembler et en sortir une idée, en travailler sur une idée... On cite Montaigne, Descartes, bon, il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus, qui ont apporté en fait de l'eau à un moulin, mais un moulin qui n'a pas changé beaucoup dans la mesure où maintenant on se pose des questions, mais comment on est arrivé là? Alors qu'il y a des gens qui étaient quand même des anciens, même Averroès, enfin il y a des super textes là-dessus. Comment se fait-il qu'on ne sait pas plus, ou on ne fait que des dissertations philosophiques et qu'on ne fait pas avancer les choses, quoi. Mais Le philosophe, il est dans un parcours solitaire à travers lequel il doit d'abord se changer lui-même pour changer les autres. On ne peut pas changer les autres si soi-même on ne s'est pas métamorphosé et si soi-même on n'a pas compris cette métamorphose. Processus assez lent, assez compliqué. Mais tous ces grands sages dont on a encore une fois perdu le savoir et la sagesse, on les a perdus, ils ne sont pas loin. Hein. Il suffit d'ouvrir Internet, tu les retrouves tout de suite. Bon, faut-il encore faire l'effort d'ouvrir Internet, de trouver le bon site ou d'aller dans la bonne librairie pour trouver le bon bouquin, quoi. Tu as des librairies spécialisées dans tel et tel secteur. Et dans le monde de la pensée, dans le monde de la philosophie, eh bien, il y a à aujourd'hui encore des maîtres à penser qui peuvent nous donner des chemins, nous ouvrir des voies. Et c'est ces voies sur lesquelles il faut aller. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Hein? Et ces directions-là, eh bien, il faut mettre en mouvement l'esprit et la matière. Et mettre en mouvement vers une direction, vers un axe. Moi, je te propose Est-Ouest, Ouest-Est, pardon, parce que c'est culturellement plus notre démarche. Nadir et Zénith, eh bien, c'est notre façon à nous de composer avec la nature, mais cette nature cosmique qui nous entoure. Et le cosmos, ben, tu ne le trouves pas, forcément au ras des pâquerettes. Et le cosmos, ça se gagne et ça s'obtient. Et ça nécessite, de la part de tout un chacun, un effort, parfois très important, pour mettre en marche tout ça. C'est un peu ce coup de pied que donne Gilgamesh quand il est au fond de l'océan et qu'il a trouvé cette fleur miraculeuse. Pour la remonter aux humains, il donne un coup de pied très fort sur le fond de la mer pour remonter à la surface et amener sa fleur et permettre aux humains de se grandir. À chaque fois, il y a un coup de pied extrêmement important. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Hein. Mais ça dépend, on peut s'y mettre. Toutes les religions sont dans cette dynamique-là. Les religions importantes, hein, je te parle des religions du livre auxquelles on peut rajouter le bouddhisme et peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais à chaque fois, il faut se lever et marcher. Et le Christ nous l'a bien dit, lève-toi et marche. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette niaque, cette pugnacité, cette nécessité de mettre un pied devant l'autre et d'accepter d'être en déséquilibre entre deux pas. Quand tu enjambes pour faire ton pas, et mettre un pied devant l'autre, tu es d'une hyper-fragilité à ce moment-là. Si moi, je me mets de chacun des côtés de toi et que je te pousse un tout petit peu, pendant que tu es dans cette position-là, tu vas tomber à droite ou à gauche dans le sens dans lequel je vais pousser. Ben ça, il faut être capable d'y résister. Ça, il faut bien comprendre ces métaphores pour se mettre en marche, quoi. Eh oui, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que quand tu parlais tout à l'heure là, justement de tout ce savoir, j'étais en train d'imaginer la bibliothèque dans la cabane. Quand je disais monter la journée, partir du nord-ouest, direction sud-est, monter et ensuite terminer la journée avec la course du soleil à l'ouest, dans la cabane en haut, avec dans la cabane en fait toute une série de bouquins. En fait, et d'invitation en fait à l'élévation, dans lequel en fait on se plonge en fait, on se plonge. Ouais, ramener le savoir. Voilà. Mais de quel savoir parlons-nous ? Oui. Voilà, bah ça c'est peut-être le sujet d'une prochaine fois. C'est-à-dire ? Bah justement, quand tu dis de quel savoir parlons-nous, je ne sais pas si c'est la prochaine fois. La prochaine fois, on a parlé de, on disait, introduction à Roderick. Oui. Mais peut-être que c'est l'histoire de quel savoir parlons-nous, c'est quand même énorme comme, comme réflexion. Ah, c'est un vaste programme. On y arrive, on y arrive. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut préparer dans le cheminement qui arrive à cette espèce de temple, là, la cabane finale dans laquelle en fait, on peut s'asseoir et méditer. Et que en fait, tout l'aménagement végétal et tout ce qui se passe dans le jardin, en fait, il prépare à travers des choses qui sont de plus en plus étonnantes, peut-être, je ne sais pas, à voir. Mais en fait, ce chemin nécessite cette préparation-là. Comment ce cheminement de pèlerin, depuis la porte nord-ouest vers le haut, va pouvoir préparer à ça ? Que ça ne soit pas uniquement une bibliothèque dans laquelle on tire un bouquin et on rentre chez soi pour le lire, ou je ne sais pas. Il y a peut-être... il y a quelque chose à trouver, là. À moi, moi je ne suis pas favorable. Si tu veux, déjà... Quand tu orientes, tu es déjà nord-ouest, sud-est, reste sur des axes simples, est-ouest. Mmh. Laisse le nord de côté, l'est, le sud de côté, reste sur un axe simple. Pars en élévation vers le zénith, voire le nadir, mais il faut, me semble-t-il, si on crée un chemin, que ce chemin soit à la fois le plus orienté possible et le plus vertical possible. De façon à ce que l'homme qui va être sur ce chemin soit dans la droiture, soit dans la rectitude. Et c'est dans cette voie-là, dans cette attitude-là, qu'il comprendra et qu'il donnera un sens à son affaire. À notre affaire, et qui va donner un sens au merveilleux. L'objectif à atteindre, c'est le merveilleux. Bon, donnons-nous une carte de géographie symbolique, simple et compréhensible. Et compréhensible. Mais, me semble-t-il, il faut qu'il y ait... Alors, ça peut être un vrai travail, parce que c'est intéressant ce que tu es en train de dire là. Comment organiser ce savoir de façon à ce que le profane, entre guillemets, passe de son état de profane à une spiritualité qui l'amène à toucher le merveilleux, quoi. Quel chemin simple on peut donner, on peut écrire, si tu veux. Quand je dis simple, c'est vachement compliqué. Hein. Mais quel chemin on peut se donner pour travailler ce sujet ? À mon sens, ça, moi, j'évoluerais bien dans une discussion de groupe, pas trop nombreux, 3-4, où on échange. Et c'est cet échange qui va nous faire grandir et qui va nous permettre de donner... un but, une bonne orientation, une bonne orientation. Et ça c'est quelque chose qui peut être fait. Si Roderick, on le sent bien, c'est quelque chose qui peut être fait même la première fois où il est avec nous. Ensemble, on réfléchit ensemble. Rappelle-toi, c'est ce qu'on a fait tous les deux, hein, avant de s'inscrire dans des réflexions à thème, on a échangé, brut de coffrage, on a grandi ensemble, etc. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec Roderick. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est bien ce que je pensais, c'est qu'il faut, faut être un peu plus long. Oui. Déjà, 3, c'est bien. Et puis, puis c'est pas rien. J'ai parlé là dans mon dernier mail de ce que l'on fait comme un chemin d'Emmaüs. Ouais. Et donc, à un moment, ils étaient 2. Et puis, à un moment, ils étaient 3. Ils se sont aperçus qu'ils étaient 3. Alors, je ne connais pas du tout Emmaüs. Je ne connais pas ce cheminement. Tu peux m'en parler ? C'était, en fait, c'est après la mort et l'ascension, en fait. C'est ce qui, en fait, ce sur quoi les apôtres s'appuient pour dire que le Christ est ressuscité et qu'il est toujours parmi nous. Et que donc, en fait, lors d'un cheminement que deux amis se font tout en discutant d'une ville à l'autre, c'est d'ailleurs, c'était aucun des apôtres connus, tout d'un coup, au milieu d'eux, enfin, entre les deux, surgit un troisième personnage qui discute avec eux. Alors, surgit, on ne sait pas trop comment c'est, mais c'est écrit comme ça, mais c'est raconté. Mais en fait, ce personnage surgit et puis disparaît. Et c'est seulement lorsque... ce sont deux apôtres, parce qu'en fait, à la fin, lorsqu'il disparaît, qu'en fait, ils s'aperçoivent que les termes et les phrases qu'il employait, il les avait déjà entendues avant, lorsque, en fait, ils étaient disciples derrière Jésus. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent que... Ben, il est toujours là. Et qui c'est Emmaüs ? Alors, c'est cette tierce personne ? C'est qui ? Non, c'est le village. En fait, il s'en allait vers Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est en discutant que tout d'un coup, il y a un troisième, et qui vient... qui vient, en fait, révéler ce qu'il avait dit déjà aux apôtres avant. C'est là où plusieurs sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Voilà. D'accord. Et que donc, là, ils étaient amenés à parler justement de ce Jésus qui avait disparu, qu'est-ce qu'ils devaient en penser de sa mort et tout ça, enfin, qu'est-ce que ça allait devenir. Et c'est lui qui, en fait, surgit et leur donne des explications qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Et c'est dans ces explications-là, une fois qu'il a redisparu, qu'ils s'aperçoivent que ce sont les explications dont il avait déjà parlé avant. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec Emmaüs de l'abbé Pierre. Bah, il doit bien y avoir des rapports, quand même, non ? Oui, sans doute. On les cherchera. Ouais. je pense que tous ceux qui récupèrent les matériaux et tout ça chez Emmaüs, je pense qu'ils ne sont pas trop au courant de l'origine de ça. Ah ! Possible. Ça dépend. Parce que j'ai été surpris d'écouter de temps en temps des journalistes interviewent des gens d'Emmaüs. Et certains que j'ai entendus, bon, certains étaient très terre à terre, quoi. Ils étaient devant la ridelle du camion à charger des meubles et des trucs qu'ils avaient récupérés. Et puis d'autres. Ben, ouais, ils étaient déjà plus en élévation. Et voilà, bon, donc, mais je pense qu'ils ont une formation au départ, ces gens d'Emmaüs. C'est pas, ils sont pas jetés comme ça. Bon, mais effectivement, ils les récupèrent sur le bord des routes, quoi. Donc, il peut. Ben, c'est un peu ce que fait aussi l'armée du salut. Bon. Qui part du principe, et c'est un peu à cela que je pensais tout à l'heure, quand tu disais, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'Est-Ouest et le Nadir et le Zénith, et moi, je dis que pour j'allais pas dire religieux, parce que pour des non-pratiquants, ça ne veut rien dire, tous les gens qui ont une formation religieuse, que ça soit... islam ou religion, enfin, ou autre, rejoignent l'idée du solaire. et que donc lorsque tu dis si on fait prendre un chemin à un musulman et tu lui dis rien et puis il lui dit ah moi je me tourne toujours vers la Mecque et que tu lui réponds ben écoute le chemin il a exactement la direction de la Mecque, ce qui est quand même assez bon, ça va pas le faire reculer quoi, ça va lui dire ah c'est quand même quelque chose où on a pensé à moi. Et c'est vrai qu'avant de parler de zénith, le zénith, ça peut rendre étourdi, hein, peut, de temps en temps, trop d'élévation ou trop de profondeur peut étourdir. Et là, en partant, c'était un peu ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut partir de l'état, il faut que le jardin parte de l'état où on est, où l'humanité est, pour qu'on ne soit pas trop... trop au-dessus, quoi. Trop... Complètement, compris. Complètement. On est, pour ma part, on est dans l'ici et maintenant. C'est ça. Cet ici et maintenant, c'est à un instant T notre position, que l'on va faire grandir ou pas. Si on la fait grandir, eh bien, cet ici et maintenant, eh bien, il va poursuivre une courbe exponentielle, etc. Il va évoluer. Mais ce qui est important, c'est que l'on sache où on habite. Et ça c'est extrêmement nécessaire dans une discussion de groupe, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il faut que le plus humble d'entre nous soit en phase avec... celui qui a un petit peu plus d'élévation ou de bagage. Donc, c'est un ici et maintenant à géométrie variable quand on est en groupe. Bon, ça, c'est ça qui n'est pas évident. Je me rappelle le cheminement de mon père qui était pasteur et aumônier des hôpitaux. Ben, c'était du face-à-face à un. Et c'est tout. C'est-à-dire... tu le prends là où il est et tu essayes de l'élever. Et ce sont des personnes qui, en plus, pour beaucoup, quand ils les visitaient, c'était des personnes qui étaient malades pour des maladies longues, voire sans espoir. Donc, chacun est à un endroit et tu ne peux pas en gérer deux à la fois. Sans ça, en fait, il y en a un qui embraye et l'autre qui embraye pas. Et si tu essayes de récupérer le deuxième, il y a le premier qui lâche. C'est pas évident du tout. Alors, moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Ça, effectivement, ça a été 25 ans de ma vie, ça. De ma vie personnelle, de ma vie professionnelle et de ma vie spirituelle. À chaque fois, c'était toujours la même problématique, celle que je viens d'évoquer. Hein. Et à chaque fois, ben, tu faisais un constat que tu avais progressé. C'était parfois des petits pas, c'était parfois des grands pas. C'était. Mais il faut toujours qu'il y ait ce nilomètre. Tu sais ce que c'est le nilomètre? Le nilomètre, c'était. Ce dont se servaient les scribes pour voir la crue du Nil. Ah oui. Alors, ils ont fait un nilomètre, et bon, eh bien, c'est exactement la même chose, là. À savoir que il faut que chacun puisse grandir en esprit et se sentir bien avec lui-même et bien avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cet égrégore dont je te parlais au tout début de notre rencontre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette empathie, cette bienveillance qui fait que bah, on se rejoint, on est la main dans la main, quoi. On est dans la main physiquement et on est dans la main spirituellement, si tu veux. Et c'est ensemble que tout ce petit monde va grandir. Et ça, j'adore. C'est parce que c'est pas une science exacte, mais il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tout le monde soit bien à ce que tu sois bien sensible aux autres. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, de temps en temps, me pose des problèmes avec Michaela, qui est un peu fonceuse, et qui n'est pas forcément suffisamment à l'écoute, quoi. On est ensemble, on a une personne qui nous parle, mais elle entend une chose, moi j'en entends une autre, si tu veux. Et parfois, c'est assez contradictoire. Mmh. Bon. Et... Bon, mais t'inquiète pas, moi et Sylvie, c'est pareil. Oui, mais je pense que c'est le fait de tout un chacun. Mais c'est bien, d'ailleurs, parce que ça interpelle. Oui, ça interpelle. Mais quand tu en as conscience, c'est une chose. Mais si tu n'en as pas conscience, comme Michaela, tu te heurtes, si tu veux. Et elle, on a des relations un peu frontales de temps en temps qui peuvent nous amener à certaines incompréhensions, désaccords. Bon, je te rassure, on se retrouve très vite, parce que l'amour reprend le dessus. Mais c'est des passages qui sont pas forcément sympathiques, quoi. Oui, j'irais si, parce que c'est du pathos. Donc c'est du pathos qui est en fait partagé, on n'est pas sur le même point, mais c'est peut-être ce qui permet de se retrouver après avec un grand plaisir. C'est ça qui est intéressant. Enfin, non, on pourra en parler de ce truc-là, ça c'est chouette. Bon, moi je vais devoir te quitter là, bon, parce que je suis attendu. Est-ce qu'on peut fixer... Oui, alors on va fixer une date. Tout à fait, on va fixer une date de façon est-ce que c'est les dates, c'est là. Est-ce qu'on rentre bien dans le calendrier de Roderick? Alors, si on fait ça, on retrouve un jeudi, ouais. Est-ce que c'est jouable? Oui, ça va, c'est tout à fait jouable. Par exemple, le 3 décembre ou un truc comme ça, parce que le 26. 3 décembre à 15h? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Tu communiques avec Roderick, tu lui dis? Oui. Hein, c'est bien si ça vient de toi. Attendez-vous. Claude. Techniquement parlant, avec Roderick, il faudrait qu'il ait Skype. Oui. Je lui ai proposé, s'il l'avait pas, de l'aider, parce que c'est pas toujours facile. Bon, je sais pas, il est à l'aise avec les instruments numériques? Sûrement. Bon, donc ça devrait pas poser de problème. Si jamais il y avait le moindre problème, il faudrait me le dire. Et en tout cas, il faudrait qu'il me donne son code Skype. Oui. Je vais le poser. Attends, je vais voir s'il existe là. Ça crée comment son nom? Son nom, c'est comment? Doc De Witt. À mon avis, c'est sûrement un pseudo casse-pied. S'il l'a déjà créé, c'est sûrement un pseudo casse-pied. Parce que son nom est tellement casse-pied que... je ne sais pas. Doc De Witt, c'est D-O-K D-E-W-I-2-T. D-O-K D-E W I I de T. De T. Ouais. Skype, il comprend pas ça. Hein. c'est trop long. Même pour nous d'ailleurs. Roderick, comme il écrit là, c'est trop long. C'est trop compliqué. Roderick. Bon. Je regarde Roderick. Je vais lui demander. Hein. Ouais, demande-lui son code Skype. Hein. Oui. Et propose-lui d'aller faire un tour sur les. Sur notre podcast, comme ça le met un peu à la cool, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. De toute façon, je te fais une copie. Maintenant qu'il est dans la bouche. Ouais, pas de souci. Bah, t'as vu que je réagis? Pas de souci. Voilà, mon ami. Eh bien, écoute, nous allons nous en arrêter là. Je vais te souhaiter une très belle semaine qui va être un peu longue par rapport aux précédentes. Ça sera la veille de l'arrivée de Sylvie, donc ce sera un bon moment, hein? Les pré-retrouvailles et bien voilà, on fera ce qu'il faut. Et imaginons qu'il ait un truc le jeudi, on pourrait envisager le mardi, je sais pas, je dis ça n'importe comment. Voilà. Oui, normalement, lui, le mardi après-midi était libre. Hein, oui. Apparemment, c'était... Bon. Tout à fait. On reste au jeudi, et puis si ça coince, le mardi. Hein, ça marche. Voilà. Allez, salut, ciao. Salut.